锵锵三人行，今天我说话要稍慢一点，因为这是咱们历史上头一次启用同声传译啊，为了一个大师级的人物，就是国际纪录片的大师雅克贝汉先生。我觉得还是第一次迎来啊，在纪录片界这么牛的这个人到我们节目，我们真是觉得非常的荣幸啊。咱们可以握个手吗？ Bonjour， 谢谢。 Bonjour，Welcome to China。 对， 谢谢。 Merci。 所以说呢，这个今天呢，大家难免会觉得啊，要是出现所答非所问的情况，或者我们俩的表情 节奏 有点对不上内容，哎，你们就不要怪我，可以怪我耳朵里的同声传译啊。 刘老师， 刘老师，你把名字说出来。那首先，我看这个，咱们先请这个雅克导演啊。讲一讲，这次您来到中国好几次了啊，这次来到中国有没有去什么以前没到过的地方，或者有了什么和前几次不一样的印象和感觉？ Moi, des voyages, je connais assez peu la Chine. Je connais les grandes villes, puisque je suis avec une amie distributrice, Michelle Lee, où on présente nos films, les films passés.Que ce soit le peuple migrateur, océan ou les saisons. Donc on fait les grandes villes, mais j'aimerais beaucoup connaître la ville en profondeur, le pays en profondeur, de rencontrer les gens, et pas des grandes agglomérations, mais de sentir un peu le côté provincial, de savoir les gens qui vivent dans des provinces précises, leurs traditions. Mais j'ai un projet, et je pense que bientôt, je vais visiter la Chine en profondeur. 那对你对中国各个地方的风俗，您说您有一些了解，能不能给我们讲一个你觉得最好玩的了解，哪一种风俗？ Les traditions, il y a les traditions d'abord et qui sont véritablement d'expressions artistiques, qui sont les traductions des chants, des musiques, et donc avec les gestes traditionnels.Et toujours dans les gestes traditionnels, on a l'impression que c'est un esthétisme, mais c'est pas que ça. 哦，行为举止，比如说这个古代的中国人见面就不是握手，这也是一个行为举止吗？ 哎，je savais pas, je savais pas, je savais pas. 这个法国人可能就是见到那个。对方的时候就是亲吻脸颊，那中国人的话可能就是胸台。 对，亲吻脸颊，你 吃饭了吗？ 隔的距离远了点啊。哎，广美，我给你30秒钟的时间，你负责先这个赞颂一下咱们的大导演，并且可以提出你的第一个问题。 OK， 其实我觉得我们应该跟我们电视机前面的观众朋友稍微解释，就是介绍一下我们那个雅克导演，因为很多这个纪录片的发烧友当然知道这个雅克导演拍了很多很多，这真的是大师级，膜拜级的这个纪录片。但事实上，你知道他是童星出身的， 哎， 人6岁就开始拍戏，25岁就拿影帝，然后29岁就决定退居幕后。我觉得这个事情是让我非常非常尊敬的。一件事情，咱们在同一个岗位上， 对， 同一个职业上， 对， 就是拿着顶着那么一点点小光环，就紧紧的抓住那个光环不敢放。那我觉得，雅克导演可以就是在他的这个生涯的规划里面不断的这个变换自己的角色，而且我觉得做这么大的变化，我觉得是真的非常值得尊敬的一件事情。 Lorsque j'ai commencé il y a très longtemps, très très longtemps.Il y a 60 ans, j'étais acteur uniquement et j'avais ce plaisir d'être acteur. J'ai pas eu une carrière extraordinaire en France. J'ai eu la chance de faire ce qui me plaisait. 我们可以看看当年他的样子，哎，就是他得威尼斯影帝的那一年，我才出生哎，所以可以看看当年，哎，真的是帅哥的照片啊， 哇， 瞧见吗？厉害吧，天堂电影院，什么放牛班的春天，其实作为演员的他是非常成功的。我们甚至可以看一段这个雅克贝汉的半个男人，就是得威尼斯影帝的当年的那部电影，他是主演，还有放牛班春天。 啊喂。 Una donna così non te era capitata mai. Ma non dici mica sul serio. Aveva le mani fredde. se le dava da riscaldare. 池塘底教养院，1949年。 这是 Matthew 在教养院时写的日记。他的故事也是我们的。他指定要转交给你。 Je faisais Toto quand il était vieux。现在您可以讲讲，看到这一段，您的感触是什么 ？Ouais, mes impressions, vous savez, les impressions, j'ai pas des impressions d'acteur.J'ai des impressions comme ceci film que je vous avais montré, les petits passages. Ce sont des films qui ont été importants pour moi. C'est des rencontres dans la vie. C'est des rencontres avec un film, avec des réalisateurs, avec une équipe. Donc à chaque fois, c'est avec beaucoup de nostalgie que je les regarde. Je vois pas, me vois pas du tout. Je me rappelle de comment ça s'est passé. Et j'ai eu la chance de faire des films qui en valaient la peine.Des films intéressants. Donc quand je revois ça, je me dis que j'ai eu la chance de vivre plusieurs vies dans ma vie. Et plusieurs vies, ça veut dire qu'il y a des sujets qui sont complètement différents, à lesquels vous n'avez rien à voir. Et dans le même temps, c'est un voyage dans la vie. C'est un voyage dans d'autres formes de vie. Et ça, c'est les plus beaux voyages. Quand on peut changer de...personnalité, quand on peut changer de problème et on est dans une forme d'autre vie, là c'est les beaux voyages. 我对他这个，就是我一直在思考他这么一个人，我对他最大的一个总结，我觉得他是一个幽默感非常强的人。嗯，因为其实他几个这个纪录片的作品没有太多的文字，没有太多的对白，没有太多的语言，他最多的是用音乐去跟他的画面做一些呼应，然后往往那些音乐出来的时候，那些声音出现的时候，会让我就是忍不住的笑出来。我不晓得你有没有看过他的《微观世界》？那个很多小昆虫，各种小小，可能在我们眼中特别特别小，你平常都注意不到的东西，但是当它被放大，一只蚂蚁跟那个一个电视机一样大的时候，然后再配上那些很有趣的音乐的时候，我就觉得。这个导演是一个，应该是一个非常非常有幽默感的人，这个是我对他的感觉。但是呢，其实我身为一个法国人，其实我很想问他，他是跟所有的法国人一样那么浪漫吗？因为所有对他的介绍都是讲到他的一些成就啊，他的一些作品，好像没有提及到他的这个任何的这个浪漫事迹。 哦，你想让他谈谈他的恋爱是吧？ 他的罗曼史。 ma vie amoureuse, je pense qu'elle est très belle, mais elle est d'autant plus belle, c'est qu'elle est secrète. Et donc, je la raconte avec la personne avec laquelle je suis, elle-même me raconte ce que nous vivons, mais les fenêtres sont fermées. Là, ça reste entre nous. Et puis, comme beaucoup de gens...J'aime bien sur des choses affectives, sur des choses émotionnelles, j'aime bien la discrétion, j'aime bien. Vous savez, j'ai pas l'impression qu'en faisant du cinéma, on vit nécessairement une vie publique. 所以很多人讲，就是您所拍的很多关于生态啊，关于动物的这个纪录片，海洋啊，鸟类的迁徙啊，有人说这里面有一种法国人的浪漫，你同意吗？ Peut-être. Plus ou moins, oui, peut-être. Mais j'aime pas tellement les réductions. Ça, c'est romantique. Ça, c'est un film qui est classique. Ça, j'aime pas tellement les... renfermer un film dans une expression donnée. Mais ce que je veux dire, ce que vous avez commencé à parler avec les films sur les animaux, avec mon ami et collaborateur Jacques Clouseau, on adore faire des films sur les animaux et effectivement...sans sonore, enfin je veux dire sans commentaire, parce qu'on ne veut pas commentaire. Il y a un commentaire, c'est le commentaire de la vie naturelle, c'est le commentaire des oiseaux, c'est les commentaires des animaux, et ça parle. Vous savez, quand on a la chance d'aller dans une forêt, quand on a pourvu qu'elle soit encore là, debout, avec des beaux arbres, ben vous pouvez rester à côté d'un arbre, fermer les yeux, et vous entendez une infinie de sons. C'est beau, mais si vous avez quelqu'un... qui est à côté de vous, qui vous raconte. Tu sais, alors dessus, il y a un petit oiseau, là, il y a un arbre, il y a le vent qui passe, on lui dit, tais-toi, tais-toi. Laisse-moi entendre le bruit naturel de la nature. Et c'est ce que l'on essaye de faire. Ouais. Vous savez, au début, il y a une phrase, il y avait un poète français qui disait, au début de l'origine, il y avait l'émotion. L'émotion. Et après, sont venus le bavardage, les paroles, c'est-à-dire le bafouillage. Donc on dit n'importe quoi, mais dans les bruits naturels, on dit quelque chose de sincère, d'émouvant. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Eh, 你看，中国也有一句诗啊，叫“万物静观皆自得”，就是你看它很大段大段的，它的这个纪录片呢，就是没有这个解说的。 嗯。 但是你就静静的看，而且呢，我觉得雅克导演他有一个。不断放大自己的过程，就是你看开始自己是个演员啊，关心的可能是自己的电影，然后到后来呢，他开始关心，你看不仅关心自己的这个飞翔，他关心动物的飞翔，然后呢，他早年拍这个政治电影，但是他到最后呢，他放大，他说大自然才是最大的这个政治， 嗯， 而且呢，我第一次经验看他的片子就是那个鸟， 嗯， 哎。那么近的距离上飞那个候鸟的这个迁徙，我们可以看看这个片段，看到之后可能更多的人会想起雅各导演。雅克导演啊，我觉得你说他本来是个影星，但是实际他还是个发明家，他发明了很多种奇奇怪怪的这种拍摄海底上天的拍摄设备，比如说能够在这么近的距离上拍这个鸟啊，好像是有一个什么飞行器啊，我想知道在拍这个候鸟迁徙的时候，您今年都75岁了，您是在地面上指挥呢，还是你也在飞行器上跟着鸟同步的飞呢？ Non, nous étions en l'air. En l'air, vous savez qu'avec le film sur les oiseaux, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, hein, pas pour un film, de l'humanité, qu'un homme, qu'une équipe volait avec les oiseaux. Vous vous rendez compte? C'est la première fois, ça n'existait pas. On monte à 1000 mètres, 2000 mètres avec des oiseaux et on a une cinquantaine d'oiseaux autour de nous. C'est d'une émotion fantastique.On voit la Terre autrement et au milieu des oiseaux. Et ça, quand on demandait à des techniciens, quand ils partaient avec la caméra, ils revenaient, alors que c'était les premières fois, alors que c'était bien, ça a marché, et le technicien ne pouvait pas parler. Il pleurait. L'émotion était si grande, puisque c'est que de voir le monde, vous avez l'impression, vous aussi, d'être un oiseau. Mais il n'y a pas que vous qui faites ça.Ils vont à 3000 mètres et ils sont à côté de nous. Et quand ils volent, ils nous regardent comme ça. Donc, 有多近跟这个鸟，这个 camera 和这个 鸟。1 mètre jusqu'à 50 mètres. 其实这个 这么近啊。 Oui, 这个也 是。Mais non seulement ça, en vol, vous avez parmi les 50 oiseaux, vous avez un oiseau, ce sont les bernaches par exemple, ou les oies. Il y a une oie qui vole et puis hop, elle s'assied sur vous.Elle s'assied sur vous. Alors, vous êtes à 2000 mètres, vous prenez l'oie et vous la remettez dans le vide, comme ça, et elle suit. C'est, que voulez-vous, c'est fantastique, quoi. Et on a fait ça pour Le Peuple Migrateur avec Jacques Clouseau, et on a refait ça pour aussi Les Saisons. Il y a quelques plans avec les oiseaux, et je pense que c'est parmi les plus grandes joies.Que l'on peut rencontrer dans nos métiers, c'est la rencontre profonde, sincère, inimaginable avec la nature. 我觉得很不可思议的是，你因为它大量的镜头呢，全部就是你感觉你伸手就可以碰到那只鸟。 对，才一米嘛，刚才讲。 那问题是，这个鸟它不是演员啊，它怎么能听你指挥？而且在它 它肯定是有一个飞行器，如果不管你是用摄影机也好，或者是螺旋桨也好，你会发出巨大的声音，那个鸟怎么能够不被吓走？ Non, on a deux formes de, d'animaux. Les animaux dits sauvages, en liberté, donc, on essaye de s'approcher tout doucement et on les filme. Ça demande beaucoup de temps. Le plus difficile, bien souvent, c'est pas de filmer, mais c'est l'approche, que l'animal ne fuit pas. Ça, ce sont les animaux sauvages. Mais aussi, on a des animaux dits imprégnés. Donc, on les prend tout petits, les oiseaux, on les prend dans l'œuf, l'œuf. Et dans l'œuf, à côté de l'œuf, on met des bruits, le bruit du moteur du petit avion. Bon, et quand l'œuf est éclos, eh ben, automatiquement, le petit poussin, il cherche d'où venait le bruit, et il se met à côté. On devient un parent parce que on l'a habitué pendant qu'il était encore dans la coquille. Et ce qu'il faut qu'ils viennent toujours avec nous. Nous sommes devenus des parents de substitution. Et donc, comme nous sommes les parents, ils n'ont plus peur. Ils sont avec nous quand ils ont 3 mois, 4 mois, quand on court. Ils sont derrière nous, ils courent. Quand on prend une moto, on va vite, ils veulent à côté. Et puis le jour, quand à bout de 4 mois, 5 mois, on prend un petit ULM, les petits avions qui ne sont pas des avions, parce que tout est ouvert. Mais c'est un petit appareil, petit, pas plus grand que ça. Et on a les oiseaux qui trépignent comme ça, ils voudraient faire quelque chose, et on s'élance sur la piste, et vous vous retournez, et vous avez 50 oiseaux près de vous. Donc c'est comme ça que les oiseaux nous suivent, ou c'est nous qui les suivons, parce que c'est un échange de complicité. Il y a une grande harmonie. Et donc, quand on est là-haut, on a envie de voler pendant une journée, pendant 10 jours, pendant une année, parce qu'on est tellement bien là-haut. 这个鸟，你觉得它跟人类有类似于人类的感情吗？你能感觉到吗？ Je sais qu'il y a un partage, que de savoir quelle est la pensée de l'animal, je n'oserais pas le dire, mais je sais en tout cas.Qui a des sentiments de rencontre. Je sais qu'il y a des compréhensions, sans que ce soit énoncé, raconté, mais il y a des compréhensions. Et que, voilà, je crois qu'avec les animaux, il n'y a pas que les oiseaux, hein. Il y a les biches, il y a les cerfs, il y a les loups, tout ça. Eh bien, vous avez une complicité. Quand vous retournez à côté d'eux, je vous dis, il y a une grande satisfaction. 刚才导演说他其实我们不知道鸟在想什么，但是你知道其实在这鸟的迁徙里面有一个镜头对我来讲其实挺震撼的，也挺震惊的。我不知道你有没有看到那么一个镜头，就是在一个鸟巢里面有一只刚刚被应该是刚刚孵化出来，就羽毛都还没有长出来的一只雏鸟，眼睛都还闭着，它非常努力的一直在推它身边的一颗蛋，把它从那个鸟巢里面推掉到地上。我觉得为什么他能这么邪恶呢？我不晓得你还记不记得那个镜头，就是我看到之后我觉得我很震惊，就是一只刚刚被孵化出来的鸟，他竟然我不晓得那个是他的兄弟姐妹还是别的鸟类，他竟然就把它给消灭掉了。 哎，就是动物之间的很多行为用人类的这个善恶标准该怎么看？ Oui, lorsque vous dites le nidIt y a un oiseau qui rejette les œufs. Parce qu'il y a des oiseaux qui ne savent pas faire le nid. Ils ne savent pas. Donc, ils prennent les nids des autres. Et comme ils sont très vite plus gros que les vrais qui doivent vivre dans ce nid, ils les jettent. Et ils prennent la place. Et ils prennent la place, et la maman s'en aperçoit pas. Elle continue à couver le nouvel oiseau, l'intrus, l'étranger.Et c'est comme ça, dans la... il s'appelle, ça va me revenir. C'est le Zhou Zhan Que Chao, mais. Et ce qui est formidable, cet oiseau, qui a vécu à la place d'un autre, quand viennent le moment d'émigration, s'ils sont en France, ils vont parcourir 5000 kilomètres, passer par-dessus toute la France, par-dessus la mer, arriver en Afrique, aller un peu plus loin en Afrique, et là, ils arrivent à un endroit précis. C'est le coucou, l'oiseau. Et personne ne lui a dit où il devait aller. Mais c'est dans les gènes. Et donc, il va automatiquement à l'endroit. Et si vous allez avant lui, vous attendez à côté d'un arbre et hop, il vient. Donc, l'instinct des oiseaux, on peut dire l'intelligence des animaux, c'est effarant. Les animaux, c'est pas tout simplement, on les voit dans la vie, sur le trottoir ou au loin. Oh, ils sont gentils, ils sont pas gentils, ils sont pas jolis. Ils sont intelligents et ils ont une force. Un oiseau et un animal, il naît, une biche, elle met un faon à jour, un petit faon. Qu'est-ce que fait le petit faon au bout d'une journée? Il marche. Il continue, il va téter sa maman, ou si, très très vite, au bout de quelques jours, il va chercher à manger quelque chose. Nous, il faut attendre 3 ans. On n'est pas intelligent dans les premiers jours comparativement aux animaux, très très peu. Donc il faut, comme ça, il faut beaucoup se rendre compte qu'on n'est pas si extraordinaire que ça, qu'il y a d'autres êtres vivants qui ont des capacités tout à fait étourdissantes. Mmh. Et si on les regarde avec un signe comme ça de reconnaissance de leur capacité, on deviendra un peu plus humble. Il nous manque beaucoup d'humilité. Eh, 那现在呢是这个人类占了其他动物的家，就因为人类现在的这个力量啊太大了，所以他的这个纪录片里也表现了这样一些镜头，比如说一声枪响，当，天鹅掉下来了。另外他还拍过这个海洋的这个纪录片，你知道，我觉得最可怜的就是那个鲨鱼被斩掉那个鱼鳍，然后就剩下一个这么个身子，一个棍儿一样的转转转，活不下去，但是躯体还活着，就坠向这海洋的海底这个深处。我想问一下，当拍到这个人类啊砍掉鲨鱼的鱼鳍这样的镜头的时候，你当时在现场，因为他是对动物特别有感情的人，你有没有想去阻止的冲动？ Dans le film Océan, il y a des animaux, dont le requin, qui sont maltraités par des paysans. Ça existe partout dans le monde. Et là, ça se passe dans le Pacifique. Et dans les scènes que l'on voit dans le film, qui sont insupportables. Mais c'est pas vrai, hein, c'est du cinéma. Parce que on a fait, comme en studio, on fait du cinéma, donc on a fabriqué un requin. On a fabriqué un requin. Et quand on lui coupe l'aileron, c'est un aileron en caoutchouc, et c'est rien. Écoutez, on ne peut pas. On ne peut pas faire un film sur les animaux, et en même temps, pour montrer la beauté des animaux, et les faire souffrir pour le plaisir de l'image. Non. 幸亏是这样啊，当然那部片子也是他的追求就是贴近，无限贴近，所以拍出那个大鲸鱼啊、大鲨鱼啊那个壮观，我们可以也看一下。小美是看哭了还是感冒了？ 感冒了，我当然也很感动。其实我也想问一下雅克导演，像拍这么海底这么巨型的动物，有没有发生过什么很惊险的情况呢？ Il y a des moments où il faut faire attention. Dangereux, non, on prend toutes les précautions. Je dois dire que dans les océans, c'était un peu plus dangereux. Et donc, mais on a des techniciens.Qui sont des plongeurs qui travaillent avec nous. Et on a des plans où on a un plongeur qui nage avec le requin blanc, 6-7 mètres de grandeur, et il nage à côté de lui. Mais il ne le touche pas. Il ne le touche pas, non pas parce qu'il a peur, mais il y a un respect envers l'animal. C'est pas, oh, il est joli, non, pas du tout. On est un respect, on est un petit peu en dehors. Et donc, il y a des choses où il faut faire attention. Mais,Quand vous avez du respect pour les animaux, il y a moins de risques. Donc, on va dans la mer, mais il faut savoir ce que c'est que la mer. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont passé des années à regarder, être à côté des animaux. On ne va pas innocemment comme ça dans la mer et on plonge, ah, c'est formidable. Non, c'est pas comme ça. Donc, à un moment, il faut être respectueux. Et si on est respectueux, eh bien, il y aura un respect aussi de l'autre côté. 现在有一种比较有趣的观点。 这种有趣的观点呢，我不知道是不是科学的，但是似乎呢有这么一些科学家，他提出一个这样的观点，就是说好比这个人类啊是一个整体，但是我们身体里有很多微生物，所以有一种观点说整个海洋啊是一个生命，整个海洋是一个生命， 非常有趣， 各种鱼都是在这个生命里边，它生态平衡的。您有这种感觉吗？ Cette impression de chercher l'équilibre, c'est-à-dire 没翻译出来。 Oui.